Avant de mettre un pied sur terre, il faut surtout pas me parler. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. Le silence et de rigueur. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. Il faut mettre ses idées en place. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. Avant de commencer une nouvelle journée. C'est le blues, c'est le blues. Comme tous les matins, l'idée d'aller travailler me donne le blues, donne le blues, donne le blues. Ça me met, ça me met, ça me met. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. Du début de matinée, Assis, face à mon café, comme perdu dans mes pensées, j'ai du mal à me coincer. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. C'est le blues, c'est le blues, c'est le blues. C'est le blues, c'est le blues.